purpose on my way back, I will follow. Encore, on va falloir demain.

J'aime aussi mon repos. Je t'aime. J'aime aussi mon repos. Je t'aime. Mais j'aime aussi mon repos. J'aime mon repos. Je le trouve beau. J'aime mon repos. Je t'aime. Mais j'aime aussi mon repos. Je t'aime. Mais j'aime aussi mon repos. Je t'aime. Mais j'aime aussi mon repos. Je I'm